Au sport. Le 1er février, au hockey mineur dans la Ligue Simple Lettre Offord-Saint-François. L'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François visite Hockey Expert Sherbrooke 1 à l'aréna Philippe Bergeron de Sherbrooke à 9h. L'équipe novice B reçoit Métro Brunel vers Saint-François à 13h30 à Istingus. L'équipe novice C est à Rue Forest pour affronter Club Piscine Sherbrooke à 10h45. L'équipe Midget A se mesure à Turmel à Lac-Mégantic à 12h10.